Le mensonge veut souvent mieux que la vérité, dit Tullo en se rappelant quelques scènes charmantes évoquées par la pantomime de Crevel qui singeait Valérie. On est forcé de travailler le mensonge, de coudre des paillettes à des habits de théâtre. Et puis enfin on les a, ces menteuses, dit brutalement Crevel. Valérie est une fée, cria le baron. Elle vous métamorphose un vieillard en jeune homme. Ah oui, reprit Crevel. C'est une anguille qui vous coule entre les mains, mais c'est la plus jolie des anguilles, blanche et douce comme du sucre, drôle comme Arnal, et des inventions. Ah ! Oh oui, elle est bien spirituelle, s'écria le baron, ne pensant plus à sa femme. Les deux confrères se couchèrent les meilleurs amis du monde, en se rappelant une à une les perfections de Valérie, les intonations de sa voix, ses chatteries, ses gestes, ses drôleries, les saillies de son esprit, celles de son cœur, car cet artiste en amour avait des élans admirables, comme les ténors qui chantent un air mieux un jour que l'autre. Et tous les deux ils s'endormirent, bercés par ces réminiscences tentatrices et diaboliques, éclairés par les feux de l'enfer.